Un dimanche matin, avec ma putain, sur ma mobilette, sur ma mobilette, je lui mets la main, ouh, entre les deux seins, direction caquette, je lui mets la main, les poils de mon cul, oui, tu les verras plus, non, j'en ai fait des brosses, j'en ai fait des brosses, 5 francs le kilo, c'est du bon boulot, pour nourrir les gosses, ah. L'habitat papa, la couille à Jeannot, coincé dans le piano, coincé dans le piano. Ça fait de la musique.